Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous commençons tout de suite par les lettres avec Madame Laurent. Consonne. Consonne. Consonne. Voyelle. Voyelle. Voyelle. Consonne. Voyelle. J'aime bien mon souvenir à lui, il est à Los Angeles, c'est très joli boîte de fabrication de matériel, de prestation de service. Ouais. Le cadrage. Oui, c'est superbe. Bonsoir et à demain, si vous voulez bien. C'est dur. C'est qui? Je sais pas, c'est un étudiant. Moi aussi. Hein. Mmh. Il me dit quelque chose. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ah. Ah. Ah, c'est pas fini. Alors, j'étais pas tout à fait sûr qu'on soit dans le film, ça. Si. C'est la chouette. Parce qu'après, il y a des roches. Derrière le film, il y a des roches. Ouais. Ouais, tu sais, s'il y a pas de gros fond. Attaque de Nathan. Ah non, justement, on va passer.